vêtements, tu les mets sur toi. Et cette nuit, dans ce lit, tu es si jolie. Tes yeux noirs, un corps musclé, des cheveux courts, tu ressembles à un garçon. Et sans ta peau, même sans lumière, les serpents sont légendaires. Viens là, viens avec moi. Allez, viens là. Allez, viens là, viens avec moi. Ne pars plus. Avec moi, ne pars plus sans moi. Allez, viens là, reste là, ne pars plus sans moi. Et cette nuit, dans ce lit, tu es si jolie. Et tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. À toi, Titi. J'aimerais entendre Titi à la guitare sur le morceau d'un des chants que je préfère, Les yeux noirs. We'll be right back. C'est Indochine. J'aime bien, c'est Tes yeux noirs, c'est un vieux morceau d'Indochine. Maintenant une version très calme. Trois, quatre. Avec moi, ne pars pas sans moi. Oh oh, viens là, reste là, ne pars pas sans moi. Et tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Et cette nuit, dans ce lit, qu'est-ce qui brille sur nos regards? Ce sont tes yeux noirs. Un corps musclé, les cheveux courts, tu ressembles à un garçon. Et je sens ta peau, même sans lumière, les serpents sont légendaires. Allez, viens là, viens avec moi, ne pars plus sans moi. Allez, viens là, reste là, ne pars plus. Thank you. ne pars plus sans moi. Viens là, reste là, ne pars plus sans moi. Il y a là un festival. Attends, je vais enlever les...